sais que je suis pratisé à gros dos. Je veux être du camp poster et te propose une soirée dingue à toi et ton postérieur. Je suis prêt à taper dedans déjà, même si je suis pas en bonne état. CBL a le don des chats. Elle sait ça. Je te demanderai qu'est-ce qu'on pense si c'est samedi. Parce que seulement tu tapes tes pentes, t'as le permis. Demande pas pourquoi t'es bonne, je veux te capter. Passe-moi tes clés, au pire tu prends le train. Mais on le fait dimanche, eh. Pas de taf lundi, donc je peux te brancher. Appelle ça la fête sur le canapé. Je te sers un verre pour te voir pomper. Tu finis pété, eh. Reste cool, c'est que le début. Je passe mon temps dans les studios. Tu passes le tien étudié. Tout se passe bien, j'ai pris des thunes et ouais. Reste cool, c'est que le début. Je passe mon temps dans les studios. Tu passes le tien étudié. Tout se passe bien, j'ai pris des thunes et ouais. À part tes parents, tout le monde est invité. Ramène une bouteille ou deux que je l'ai tombé en vitesse. Test, la nuit va tomber, le jour se lève. On vit entre les. Le jour, la nuit et surtout dans l'ivresse, stress. À part tes parents, tout le monde est invité. Ramène une bouteille ou deux que je l'ai tombé en vitesse, stress. La nuit va tomber et le jour se lève. On vit entre les deux. Le jour, la nuit et surtout dans l'ivresse, stress. La porte bien à l'heure, c'est même pas la seule, c'est mieux alors. À part tout parti, mais le son, les gens s'impatientent et prennent la son bois. On les laisse respirer, ça tombe bien. Le cigare dans tes mains tiré, bien tout comme une latte tirée. Je te monte au crâne, puis te fais perdre la tête comme décapité. Puis je suis bon, assez bon, bien me goûter. Je suis ton pète, j'ai même pas outé. Je suis ton mec, mais pas ma bouteille. On passe un bout de temps sans user mol, je t'aime. Je suis bon, assez bon, bien me goûter. Je suis bon, pète, j'ai même pas outé. Je suis ton mec, mais pas ma bouteille. On passe un bout de temps sans user mol, je t'aime. Car je t'aime. À part tes parents, tout le monde est invité. Ramène une bouteille ou deux que je l'ai tombé en vitesse, test. La nuit va tomber, le jour se lève. On vit entre les deux, le jour, la nuit et surtout dans l'ivresse, stress. À part tes parents, tout le monde est invité. Ramène une bouteille ou deux que je l'ai tombé en vitesse, test. La nuit va tomber, le jour se lève. On vit entre les deux, le jour, la nuit et surtout dans l'ivresse, stress. Brixton, on est là. Penjoui, on est là. De Panama, Montréal. J'dis du 34 à Brixton, on est là. Penjoui, on est là. Du Cameroun au Sénégal. J'dis du 34 à Brixton, on est là. Penjoui, on est là. De Panama, Montréal. J'dis du 34 à Brixton, on est là. Penjoui, on est là. Du Cameroun au Sénégal. J'dis du 34, à part tes parents, tout le monde est invité. Ramène une bouteille ou deux que je l'ai tombé en vitesse, test. La nuit va tomber, le jour se lève. On vit entre les deux, le jour, la nuit et surtout dans l'ivresse, stress. À part tes parents, tout le monde est invité. Ramène une bouteille ou deux que je l'ai tombé en vitesse, test. La nuit va tomber, le jour se lève. On vit entre les deux, le jour, la nuit et surtout.